il y en a qui dépitent, il y en a d'autres dans la fuite, il y en a plein qui s'excitent, et tout autant qui s'effritent. Et je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a au rancard, il y en a d'autres sur le trottoir, il y en a plein les brancards, et tout autant sur le départ. Et je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a qui marmonnent, il y en a d'autres qui ronchonnent, il y en a plein qui s'étonnent, et tout autant qui abandonnent. Et je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. T'appuies dans vos détents, ça me fait ni chaud ni froid. Tes soucis quotidiens, et tout ça ne me touche pas. Je suis tristire et nu, patine et pisse sur moi. Quand tu n'en pourras plus, je serai loin de là. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a qui ont pas de chance, il y en a d'autres qui crient vengeance, il y en a plein en errance, et tout autant aux urgences. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a en plein drame, il y en a d'autres à la rame, il y en a plein font la canne, et tout autant hors la gamme. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a qui s'insèrent, il y en a d'autres qui exaspèrent, il y en a plein qui ont les nerfs, et tout autant qui s'enterrent. Et je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Tes histoires, tes tourments, ça ne me concerne pas. Tes problèmes de pognon, moi je ne les comprends pas. J'ai visé les visés, grâce à toi je suis le roi. Je me délecte de ton vol, je me joue de ta voix. Et je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a qui se lassent, il y en a d'autres qui se tassent, il y en a plein qui se cassent, et tout autant qui trépassent. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a qui rugissent, il y en a d'autres qui pourrissent, il y en a plein les abysses, et tout autant qui périssent. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Il y en a qui soupirent, il y en a d'autres qui rempirent, il y en a plein qui délirent, et tout autant qui expirent. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Les horizons bouchés jusqu'à perte d'emploi. Tu vas bien t'amuser, la retraite il n'y en a pas. Je suis ton boss, ta star, je fais ton cinéma. T'en auras pour ton fric, tu vas payer ton choix. Et je rigole, je rigole, je rigole.